إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله عز وجل le livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Donc le dernier cours on a vu ce qui était en relation, à la fin du cours, on a vu ce qui est en relation avec Tawaf al-Wada' et comment la personne, donc, elle doit délaisser Mecca et la maison sacrée lors de son départ, lors de son retour dans son pays. Ensuite, le shir, il dit « وَلَيْسَ فِي عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ لَكِنْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَجُ بَدَنَةٍ أو بقرة أو شاة أو شرك في دام فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر والسبعة إذا رجع ولو أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن أحمد قيل أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة قيل أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو أرجح وقد قيل أنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. Donc pour cette question qui vient nous faire donc un résumé de la différence qu'il y a entre Al-Mutamatti' Al-Qarin ou Al-Mufrid min nahiyati ziyada, c'est-à-dire en prenant en compte ce qui est en plus comme acte. Le shir nous dit donc qu'il n'y a pas de choses en plus entre Al-Qarin ou Al-Mufrid. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas d'actes qui vont être faits en plus entre Al-Qarin ou Al-Mufrid. C'est-à-dire donc, tout ce que va faire Al-Qarin, il va le faire également Al-Mufrid. Donc ça ici, c'est un résumé. Entre Al-Qarin ou Al-Mufrid, c'est-à-dire Al-Qiran ou Al-Ifrad. Simplement une différence ici, pour ce qui est du Al-Mufrid, c'est qu'Al-Mufrid, il n'a pas lui à égorger de sacrifice. Contrairement à Al-Qarin ou Al-Mutamatti'. Al-Qarin ou Al-Mutamatti', eux, ils ont donc à égorger un sacrifice. Donc, ils ont à sacrifier. Par contre, Al-Mufrid, non. C'est ici donc une différence qu'il y a entre Al-Qarin ou Al-Mufrid, et également Al-Mutamatti'. Donc, pour résumer ici, Al-Qarin ou Al-Mufrid, ils font exactement les mêmes actes. La différence qu'il va avoir ici, simplement, c'est qu'Al-Qarin, lui, doit faire un sacrifice, contrairement à Al-Mufrid qui n'a pas à faire de sacrifice. C'est pour ça qu'ensuite il va dire « لَكِنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَجٌ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاتٍ أَوْ شِرْكٍ فِي الدَّمِ » C'est-à-dire qu'Al-Qarin, donc, ou Al-Mutamatti', ils doivent égorger. Ils doivent donc faire un sacrifice. Et ce qu'on appelle « Al-Hajj ». C'est ce qu'on appelle donc « Al-Hajj ». Le sacrifice. Que ce soit badanatin, ou bakaratin, ou shatin, ou shirkin, fiddam. Badana, le terme badana ici il veut dire l'ibl. C'est-à-dire que le plus souvent les savants de la langue, lorsqu'ils disent le terme, lorsqu'ils emploient le terme al-badana, ils veulent dire par là l'ibl. Sachant que beaucoup de jurisconsultes également, ils utilisent le terme badana pour dire al-ibl et également al-baqara. Mais ici, vu que le shir, il a cité ensuite al-baqara, donc on comprend en bas. Par le terme badana ici, al-ibl, qui est bien entendu. Donc, il égorge soit un chameau, soit une vache, ou alors un mouton. Au shirkin fiddam. Bien entendu, pour ce qui est de al-badana, pour ce qui est de al-baqara, ils peuvent donc, les pèlerins s'associer pour ce qui est d'égorger soit un badana ou al-baqara. Par contre, pour le chat, c'est uniquement pour une personne. Donc voilà ce que le shir ici, il nous résume. Et donc, pour bien comprendre, il nous dit que al-qarin ou al-mufrid, ils font les mêmes actes. Uniquement, et ni par rapport au hajj. Par rapport au hajj, en lui-même, bien entendu. Car on sait qu'al-mufrid, lui, il n'a pas fait de umrah auparavant par rapport au qarin. Mais pour ce qui est de a'mal al-hajj, ce sont les mêmes. Ici, il y a également une ziyada, c'est que pour ce qui est de al-qarin, il doit égorger. Et de même pour ce qui est de al-mutamattir. فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع. Bien entendu ici, cela fait allusion, le shir fait allusion ici, où il rappelle, le shir rappelle ici, un des versets du Coran, qui est donc une règle, qui est le verset suivant, qui fait surat al-Baqara, qui est le verset 196, où Allah Azza wa Jalla يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. Donc ici, pour la personne qui n'a pas les moyens, on dit bien ici pour la personne qui n'a pas les moyens, et ne rentre pas dans cela, la personne qui est à la base riche, mais qui a dépensé l'argent qu'il avait avec lui, et qui ne trouve plus d'argent donc pour acheter un sacrifice. Cette personne-là, elle doit égorger, parce qu'elle est riche à la base, soit en empruntant ou autre. On parle bien ici de la personne qui n'a pas les moyens à la base, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens donc d'égorger et qui n'a donc pas trouvé pour égorger, donc pour se payer un sacrifice. Alors, min rahmatillah, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a donné un badal, c'est-à-dire ce qui va remplacer ce hukm-là, ou cet acte-là, qui est le sacrifice, d'égorger le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner à la place 10 jours. Il doit jeûner 10 jours. Et comme il est venu dans le verset, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ يَنِي بِمَعْنَا ici, الْهَجْ, celui qui ne trouve pas le sacrifice, il doit jeûner 3 jours. Durant les jours du hajj, ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجْ, et ensuite 7 autres jours quand il revient chez lui. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ, et donc ça fait 10 jours complets. Ça donc, c'est ce qu'a à faire celui qui n'a pas pu acheter un sacrifice, qui n'a pas eu les moyens, qui est pauvre à la base et qui ne peut se procurer un sacrifice. Alors, il jeûne 10 jours. 3 jours durant le Hajj, et 10 jours, et 7 jours lorsqu'il revient, ce qui fait 10 jours. Les 3 jours, il doit les jeûner avant Yom al-Nahr, qabla Yom al-Nahr, c'est-à-dire avant le sacrifice, avant qu'il n'y ait donc le sacrifice, donc le jour du sacrifice. Sachant que les savants ont cité que la personne qui n'a pas eu la possibilité de jeûner avant cela, il lui est permis de jeûner durant Ayam Tashriq, donc Ba'd Yom al-Nahr. Bien entendu, c'est uniquement dans un cas de nécessité, c'est-à-dire ça rentre dans un cas de nécessité. Lorsque la personne, elle n'a pas pu jeûner, elle n'a pas eu la possibilité de jeûner avant, à cause d'un retard, ou alors à cause d'une maladie, ou etc. Alors, pour cette personne-là, si elle n'a pas eu la possibilité de jeûner avant le jour du sacrifice, elle peut jeûner les jours Ayam Tashriq, qui sont donc de 3, comme on a vu. Al-Ayam Tashriq, qui sont de 3. Sinon, la personne, elle doit jeûner avant. Qabl yawm an-nahr. Ensuite, pour ce qui est de ces trois jours avant le jour du sacrifice, les savants ont divergé sur cette question-là. Et c'est ce que va nous citer le shir, rahimahullah, en mettant en avant la parole qu'il voit lui la plus forte, la plus proche de la vérité, et qu'il choisit donc. Parmi donc les paroles qu'il cite, et qui sont également trois versions rapportées de l'imam Ahmad par ses élèves, et qui sont les suivantes. C'est-à-dire que le pèlerin, il peut jeûner avant même qu'il a fait l'ihram pour sa umrah. Avant même qu'il a fait l'ihram pour sa umrah. Bien entendu ici, donc, c'est pour le cas de Al-Qarin et Al-Mutamattir uniquement. Donc avant même qu'il a commencé sa umrah, avant même qu'il a fait son ihram pour la umrah, il peut jeûner. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, c'est qu'il ne peut jeûner uniquement après qu'il ait fait son ihram bil hajj. C'est-à-dire, à partir de Yom al-Tarwiya, le huitième jour, donc, de Dhul Hijjah, lorsqu'il se met en état d'ihram pour le hajj, à partir de là, il pourra jeûner. Donc, avant cela, il ne peut pas jeûner. Et ensuite, le troisième avis, c'est qu'il commence à jeûner dès le moment où il s'est mis en ihram pour sa umrah. Dès le moment où il s'est mis en ihram pour sa umrah. Wa huwa al-arjah. Il voit chez l'islam que c'est la parole la plus forte. C'est-à-dire donc que la personne, du moment où elle s'est mis en ihram pour sa umrah, alors à ce moment-là, elle peut commencer à jeûner ces trois jours. Pour celle qui n'a pas les moyens de se payer un sacrifice. D'autres également qu'ils ont dit, donc à titre ici de supplément, وَقَدْ قِيلْ إِنَّا يَسُومُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِي مِنَ الْعُمْرَةِ. C'est-à-dire qu'il jeûne après qu'il s'est désacralisé de sa umra. Donc une fois qu'il s'est désacralisé de sa umra, et avant qu'il rentre donc dans l'ihram du hajj. Il va nous dire le shir, وَلَكِنْ دَخَلَتَ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجْ كَمَا دَخَلَ الْوُضُو فِي الْغُسْلِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. Donc cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ce hadith authentique qu'on a déjà vu, où le prophète صلى الله عليه وسلم il dit que la umra elle est rentrée dans le hajj إلى يوم القيامة. C'est-à-dire que cette umra, c'est comme si elle faisait partie donc du hajj, elle est raccolée au hajj. Et pourquoi le shir rapporte cette parole? Tout simplement pour appuyer ce qu'il a affirmé. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle commence l'ihram de sa umra, c'est comme donc elle a commencé dans le hajj, elle a commencé son hajj, vu que la umra est rentrée dans le hajj. Donc à partir de là, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ. Donc فِي الْحَجِ, ici, c'est bel et bien authentique, vu que la umra est rentrée dans le hajj. Donc à partir de là, la personne elle peut jeûner. Et donc ça va être en contradiction avec ceux qui ont dit avant même de faire l'ihram de la umrah, il peut jeûner. Non, parce qu'il n'est pas entré en fait ici dans le hajj. Donc ça rentre pas dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fil hajj. Tayyib. Et ceux qui ont dit qu'il était obligé de jeûner uniquement après l'ihram bil hajj, ceux-là, ils ont restreint ce qui était permis. Pourquoi? Parce que si on comprend que la umrah elle rentre dans le hajj, pourquoi donc restreindre ces jours-là après, ou uniquement après que la personne s'est mise en état d'ihram pour le hajj, donc à partir du 8e jour de Dhul Hijjah. Ça donc c'est pour les trois paroles. Et donc le shir il voit, après ce qu'il nous a dit, que la parole la plus authentique, c'est celle qui dit que on peut commencer de faire ces trois jours à partir du moment où on s'est mis en état d'ihram pour la umrah, parce qu'on est rentré donc en réalité dans le hajj à ce moment-là. Bien entendu pour le cas du Al-Qarin ou Al-Mutamattir. Et ensuite il va dire également wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanu mutamattirin ma'a wa innama ahramu bil hajj yawm tarwiya wa hina idhin fala budda min sawmi ba'd ath-thalatha qabla al-ihram bil hajj. C'est-à-dire que le shir va nous dire ici que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient en état de tamattu' avec lui, qui était présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en état de tamattu', ils ont fait le ihram pour le hajj yom tarwiyah, qui est le 8e jour, comme on l'a vu déjà auparavant. Donc il nous dit à ce moment-là, la personne va être obligée de jeûner avant de rentrer dans l'ihram du hajj, donc le 8e jour. Qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est-à-dire que la personne, pour ceux qui est mutamattir, s'il n'a pas encore jeûné auparavant, au moment où il se met, où il s'est désacralisé de sa umrah, et qu'il attend donc de se résacraliser pour le hajj, durant cette période-là, il doit jeûner quelques jours parmi ces jours. Car il nous dit, min soumi ba'di thalafa, c'est-à-dire quelques jours. Où il peut, bien entendu, les trois. Mais le shir, ce qu'on va comprendre de la parole du shir, c'est qu'il est obligé de jeûner certains de ces jours durant cette période-là. Ça donc, c'est pour ce qui est de cette question. Et on rappelle donc ici l'avis du shir, rahimahullah. Mais pour ce qui est, de façon, on va dire, plus générale, sans entrer dans la question de obligatoirement jeûner au moins un jour, ou certains des jours, après qu'on s'est désacralisé de la umrah, et avant qu'on se resacralise pour le hajj, ce qui est le plus authentique, c'est que la personne, au moment où elle a fait son ihram bil umrah, elle peut à partir de là jeûner. À la kulli hal, sans entrer dans tous les détails de cette question-là, on voit ce qui est le plus authentique et l'argumentation de Shir al-Islam pour cette question-là. Ensuite, il dit « وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَنْ زَمْزَمْ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيَدْعُوا عِنْدَ شَرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَةِ » On passe à une autre question. Il y a un acte que l'on retrouve dans le hajj et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait et qui rentre donc dans la sunna et qui est donc mustahab, qui est donc recommandé de le faire. C'est de boire de l'eau de zamzam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait durant son hajj, et qu'il boit beaucoup. Il n'y a jba' bizamzam, qu'il étend complètement sa soif avec cette eau. وَيَدُلُوا عِنْدَ شَرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَةِ. Également, ce qui est mustahab, c'est qu'il invoque Allah Azzawajal, de part donc les invocations légiférées, reconnues par la législation. Donc il invoque son Seigneur au moment où il boit. Et cela est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce hadith, qui est rapporté fi Sunan ibn Majah, min hadith Jabir, radiallahu ta'ala anhu, et dont Shir al-Albani a authentifié fi Sahih Sunan ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma ou zamzam lima shuriba la, l'eau de zamzam pour celui qui l'a bu. Donc on comprend à partir de là que la personne l'invoque au moment où elle boit, qu'elle invoque donc, comme il a dit le shir, et qu'elle demande à Allah Azzawajal également ce qu'elle veut au moment où elle boit. Donc c'est un moment qui est propice et authentifié par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يُسْتَحَبُّ الْيَغْتِسَالُ مِنْهَا. Par contre, il n'est pas préférable de se laver avec l'eau de zamzam. C'est-à-dire, certaines personnes prennent de l'eau de zamzam, et ils se frottent leur corps avec. Ils se frottent leurs yeux, etc. Ça, c'est pas légiféré. C'est pour ça que le shir, il nous dit, voilà yustahab, c'est-à-dire que ça ne rentre absolument pas dans ce qui est recommandé. Al-irtisal minha. Donc de se laver avec l'eau de zamzam. Ensuite, il dit, wa amma ziyaratul masajid, allati bunyat bi mekkata, wa amma ziyaratul masajid, allati bunyat bi mekkata, ghayril masjidil haram, kal masjidil ladhi tahta as-safa, وما في صفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا يستحبه أحد من الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة كذلك وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. طيب ici encore une autre question que le cheikh il soulève et qui est très important, une question qu'il pose le cheikh et qu'il développe et qui est très important. C'est pour ce qui est de visiter les mosquées qui sont en dehors de la mosquée sacrée. Il nous a donné des exemples, comme la mosquée qui se trouve Taht al-Safa, en dessous de Safa, ou alors la mosquée qui se trouve fi Safri Abi Qubays, etc. Et d'autres mosquées qui ont été construites après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également la Masjid al-Mawlid, c'est-à-dire la mosquée de la naissance, et d'autres encore. Il nous dit donc que le pèlerin ne doit pas visiter ces choses-là, y avoir donc al qasd, l'intention d'aller visiter ces choses-là, car ça ne rentre absolument pas dans ce qui est du hajj, ça ne rentre pas donc dans la sunna, et que personne parmi les imams de la sunna l'ont rendu recommandé, personne, absolument personne. Uniquement ce qui est mashrou', uniquement ce qui est légiféré, c'est donc de visiter la mosquée sacrée. Et également donc, tout ce qui rentre fi al-masha'ir, les rites, donc comme Arafa, Muzdalifa, Mina, tout ce que va visiter le pèlerin durant son pèlerinage, qui rentre donc dans les rites. Également Safa ou al-Marwa. Et donc, tout ce qui est en dehors de cela, la personne ne doit pas aller les visiter et avoir l'intention, cette intention-là, de visiter et de croire que ça fait partie du hajj ou alors que ça fait partie de la sunna et que c'est mustahab, etc. Toutes ces choses là qui sont en dehors de al-masha'ir connues comme Arafa, Muzdalifa, Mina, Safa ou al-Marwa, la mosquée sacrée, tout ce qui est en dehors de cela, il n'est pas permis donc d'aller les visiter, malheureusement, comme beaucoup font de pèlerins. Ils vont visiter ces endroits et ils croient qu'il y a dans cela une sunna et ils vont aller chercher la baraka, etc. Tout cela, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre donc dans l'innovation, comme le shir nous l'explique. Également, il rentre dedans Jabal Hira. Hira, on sait à cet endroit d'une montagne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se recueillir. Il y a cet endroit où l'ange Jibril alayhi salam est venu pour la première fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui informer de sa mission. On sait que c'était dans cette grotte. Au-dessus donc de Jebel Hira, ce qu'on appelle Jebel Hira. Donc, aller faire ça durant le pèlerinage et aller visiter ces endroits-là, ça fait pas partie de la sunna. Et c'est pas une chose qui a été faite par les salaf. Donc, toutes ces choses-là, il faut les éviter. Et il faut conseiller ceux qui sont autour de nous de les éviter également. Et d'en rester à ce qui nous est légiféré. À ce qui fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est claire et évidente. Wa alhamdulillah, fiha kifaya. Ensuite, il dit le shir, rahimallah, wa dukhul nafs al-ka'bati laysa bi fard wa la sunnatin mu'akkada bal dukhulha hasan wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yadkhulha fi al-hajj wa la fi al-umrati la umrati al-ji'arana wa la umrati al-qadiyyah wa inma dakhalaha 'am fath makkah ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعو الله ويذكره فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها إلا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا راغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كره السلف. Le Cheikh, ici une nouvelle question. Prier à l'intérieur de la Kaaba. Il nous dit, le Cheikh, ce n'est pas une obligation, ça rentre même pas dans ce qui est du domaine de la Sunna Muakkada. C'est-à-dire une Sunna qui est appuyée. Sunna Muakkada qui est une Sunna qui est appuyée, très appuyée. Ça rentre pas dans cela. Ni dans le Fard, l'obligation, ni dans la Sunna Muakkada. Il nous dit, le Cheikh, que c'est une chose qui est bien. Hassan. Une bonne chose. Si la personne, elle peut le faire, elle le fait. Et il nous rappelle, pour ce qui est du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas prié à l'intérieur de la maison sacrée, de la Kaaba, durant son hajj. Qu'il n'a pas prié également durant sa umra. Que ce soit la umra, umratu al-ji'arrana, comme on a vu déjà, et également umratu al-qadiyya, comme on a vu également. Mais il y est rentré, le prophète sallallahu عام فتح مكة l'année de la conquête de la Mecque. Ça c'est une précision que nous donne le Cheikh. À quel moment le prophète est rentré pour prier à l'intérieur de la maison sacrée de la Kaaba. Il nous dit pour celui qui y rentre, il est préférable pour lui qu'il prie donc. Une fois qu'il est rentré, il est préférable qu'il prie parce que ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également yukabbir, yakul Allahu akbar à l'intérieur. Et également yad'u, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkura, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala bil adhkar, bil ad'iya al-shar'iyya. Au moment où il rentre, il s'avance un peu jusqu'à qu'il laisse entre lui et le mur trois coudées. Et donc al-bab, la porte, elle sera derrière lui. Et il sera à trois coudées devant lui du mur. Il nous dit, c'est comme cela, ou c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. فَذَلِكَ وَالْمَكَانُ الَّذِي صَلَّ فِيهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il ne doit pas rentrer avec ses chaussures. Donc il doit rentrer حَافِيًا. Il doit se déchausser. Il doit rentrer les pieds nus. Ensuite il dit, وَالْحِجَّر. Al-Hijr, tout le monde qui a vu la Kaaba, qui a visité la Kaaba, ou alors qui a vu la Kaaba en photo, il s'aperçoit donc que entre les deux rukn shamiyin, il se trouve un mur qui est en forme de demi-cercle. C'est ce qu'on appelle le hijr. Ce qu'on peut traduire par une enceinte. Surtout avec la forme qu'elle a. Il nous dit aktharu min al-bayt. Cette partie-là, donc la partie du mur, ce mur donc, jusqu'à le mur de la Kaaba, car on sait que la Kaaba, elle est cubique. Taïb, sachant que avant, elle était rectangulaire, c'est-à-dire un côté qui était beaucoup plus allongé, il y en a les deux côtés parallèles qui étaient beaucoup plus allongés que les deux autres côtés parallèles. C'était comme ça qu'elle était la maison. Et on sait que la maison, elle a été, la maison sacrée, le Kaaba, elle a été reconstruite. Et on sait dans le hadith authentique que le prophète sallam, s'il n'avait pas eu peur de la fitna, et que les gens ne comprennent pas donc qu'il aurait reconstruit la Kaaba suivant Qawa'id Ibrahim, suivant donc les bases sur lesquelles avait construit Ibrahim la Kaaba. Ala hadha al-asas al-hijj wa aktharuhu rentre en réalité à l'intérieur de al-Kaaba. Et c'est pour ça que le Cheikh nous dit que celui qui va y rentrer à l'intérieur de cette enceinte, c'est comme s'il était rentré à l'intérieur de la Kaaba. Il peut prier à cet endroit. Et cela bien entendu est appuyé d'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le suivant, rapporté par l'imam An-Nasa'i fi sunanihi, et également à l'imam Tirmidhi, et qui est un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, que l'on retrouve fi silsilatul ahadith as-sahiha bi raqam 43, numéro du hadith 43, et qui est ce hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, qui nous dit kuntu uhibbu an adkhula al-bayt فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. عائشة nous dit qu'elle aimerait prier dans là, qu'elle avait l'intention et qu'elle aimerait donc prier dans à l'intérieur de la maison sacrée, le Kaaba, d'y entrer et d'y prier donc ensuite. Le prophète sallam, quand il a su cela, de son intention et ce qu'elle désirait, il l'a pris par la main et il l'a fait rentrer à l'intérieur de la hijab, donc à l'intérieur de cette enceinte. Et il lui a dit, salli fil hijab, prie donc à cet endroit-là, in aratti dukhul al-bayt, si tu veux donc rentrer à l'intérieur de la maison. Fa inna ma huwa qit'atun min al-bayt, car c'est une partie de la maison sacrée. Ça, c'est la preuve donc de ce qu'a rapporté Cheikh al-Islam rahimahullah. Ensuite, il nous rappelle également, il fait un tanbih, une mise en garde ici qui est importante sur un point, c'est que celui qui est rentré à l'intérieur de la Kaaba, il a le même statut de celui qui n'est pas rentré. Dans le sens où certains hujjaj, certains pèlerins y croient que lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, des pèlerins ou autres, même si c'est pas du temps du hajj, ceux parmi eux qui ont la croyance que celui qui est rentré à l'intérieur de la Kaaba et qui a prié, c'est comme s'il s'était purifié totalement. Et il ressort, et alors, au moment où il ressort, il ne se permet plus de marcher les pieds nus, de peur qu'une najasa, une impureté le touche. Subhanallah. C'est pour ça qu'il dit, bal yajuzu lahu min al-mashy hafiyan. C'est pour ça qu'il insiste sur ça. C'est-à-dire qu'il lui est permis de marcher, yani, pieds nus, comme tous les autres pèlerins. Comme tous ceux qui sont pas rentrés dans la maison sacrée. Et donc, c'est cette croyance qu'ils ont, certains pèlerins. C'est pour ça que le shir ici, fait une mise en garde. Il dit bien que il n'y a aucune différence entre la personne qui a prié et qui n'a pas prié. Sinon, par rapport à l'acte en lui-même. Ensuite, il nous dit le shir, et c'est également une question qui est importante, que l'ikthar min al-tawaf bil bayt min al-a'mal al-saliha. C'est-à-dire que la personne, durant son pèlerinage, et même une fois qu'elle a terminé le pèlerinage, c'est-à-dire les rites, et qu'elle attend donc jusqu'à qu'elle reparte dans son pays, qu'elle retourne dans son pays, il lui est préférable, ça fait partie des grands actes d'obéissance, at-ta'at ou al-a'mal al-saliha, c'est qu'il fasse beaucoup de tawaf autour de la maison sacrée. Et il est même rapporté dans un hadith qui est authentifié par Cheikh al-Albani fi sahiha, et que le verset qui est le hadith 804, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visitait toutes les nuits min layali mina, donc durant ayam tashriq, durant les nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les nuits, il allait visiter la Kaaba et il allait tourner autour. Kana yatufu biha kull laylatin min layali mina. Comme cela est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des grands actes de piété, de faire cet acte-là. Et bien entendu, pour le pèlerin, il n'a pas l'occasion, pour celui qui vient d'extérieur, il n'a pas l'occasion de faire cet acte-là, contrairement à la prière et contrairement à beaucoup d'autres choses qu'il est possible de faire à cet endroit-là. Bien entendu, pour ce qui est de la prière, il y a Masalat al-Ajar, la Shak fi dhalik. Mais on va dire, pour ce qui est de cette adoration précise, on ne peut la faire qu'à cet endroit-là. Et donc le pèlerin, il essaie d'en profiter le maximum durant son séjour. Et il nous dit le shir que c'est bien plus préférable de faire cela que de sortir. Et sur cette question, on l'a vu, le shir en avait déjà parlé au début du livre. Donc ça titre de rappel ici. Mais c'est pour insister que le fait de faire le tawaf, c'est bien meilleur, bien plus profitable. Et s'éloigner donc de toute shubha que de faire, c'est-à-dire de sortir jusqu'au tan'im, et de faire à chaque fois des umrah. Donc cette question de sortir jusqu'au tan'im et de revenir en tant que muhrim et de faire les umrah, on a vu cette question-là. Et le shir, il insiste dessus. Il dit que cet acte-là, personne ne l'a fait parmi les sahaba, parmi les tabi'in. Et il nous dit même que les salaf, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, détestaient cela. Donc ici, également, une erreur que beaucoup font parmi les pèlerins, et que s'ils avaient fait donc al-ikthar min al-tawaf, qu'ils avaient multiplié le tawaf, ça aurait été bien meilleur pour eux. Ensuite, le shir, rahimahullah, Il va rentrer donc dans le dernier chapitre du livre, et donc on va terminer le livre par cela, inshallah, durant les prochains cours. La question de Az-Ziyara. C'est pour ça que le livre s'intitule également Wa Ziyaratil Masjid An-Nabawi. C'est-à-dire que le cheikh va nous donner des règles. Il va nous rappeler ce qui est permis, ce qui est interdit lorsqu'on visite la mosquée prophétique. Il va également parler de sujets qui sont très très importants et qui rentrent même dans des questions de tawhid. Et c'est ce qu'on verra, inshallah, pour les prochains cours. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.